franceinter.fr. Pour la dernière semaine de la saison, Affaires Sensibles vous propose une semaine thématique sur la fête, du lendemain de la libération au rêve des années 2000. Se plonger dans cette histoire, c'est découvrir un quartier, une ville, une population aux couleurs de la nuit, la naissance de nouvelles poésies et les éclats d'une génération brisant les mythes des pères pour en ériger de nouveaux, éphémères. Est-ce une affaire sensible? Eh bien oui, car la nuit n'est pas si simple. La fête, parfois, mauvaise réputation, comme son public et ses artisans. Dans ces lieux où nous allons vous emmener, les paroles, comme les notes, sont souvent osées. Et puis on boit, on fume et on rencontre des amants d'un soir. C'est ainsi que va la fête, contrôlée, improvisée, commerciale et artisanale, oubliée et mystifiée. Elle ne dure qu'un temps, le temps d'une génération, dont celle qui suit efface le souvenir, la mode et les codes pour en créer d'autres. Pour cette première émission, nous partons à Paris, rive gauche, dans les caves et les cabarets où musiciens, chansonniers, mimes et humoristes éclairent les nuits de l'après-guerre. On ne pourra pas citer tous ces lieux et tous ces artistes, mais vous entendrez les souvenirs de certains noctambules qui sont devenus célèbres. Juliette de Gréco, Raymond Devos, Barbara Moustache et quelques autres. Certains témoignages sont extraits du documentaire touchant et passionnant d'Yves Jolland, intitulé « Il est minuit, Paris s'éveille ». Le reste sort tout droit des archives de l'INA. Quand on parle de culture et de mouvement, il est difficile de définir une ligne de démarcation entre le monde qui meurt et celui qui émerge. Alors, pour raconter ces nuits parisiennes, nous avons choisi de débuter ce récit en 1947 et de finir ce voyage au cours des années 60. Pour parler de cette époque où la poésie a irrigué la fête, à Paris, nous recevrons en deuxième partie d'émission Henri Gougou, écrivain, poète, conteur, mais aussi homme qui chante. Venu de Carcassonne à la fin des années 50, il nous racontera la nuit quand il avait 20 ans en province, puis celles qui ont suivi à Paris, quand les cabarets ont dû faire face à la concurrence de Salut les copains et des discothèques. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec la collaboration des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, 3 mai 1947. Ce matin-là, à l'ombre du clocher de l'église de Saint-Germain-des-Prés, sur les tables du triangle magique entre les deux magots, la brasserie Lip et le café de Flore, on s'arrache le dernier samedi soir, un hebdomadaire tiré à plus de 400 000 exemplaires. Le quartier fait la une, mais pour une fois, sa notoriété du jour n'est pas due au dernier livre de Jean-Paul Sartre et consorts, mais de deux jeunes gens touchés par un phénomène que seul le temps estompe, ils ont 20 ans. Sur la photo qui fait la couverture, le garçon et la fille descendent un escalier éclairé par une simple bougie. En légende, on peut lire ceci. Toute une jeunesse aime, dort et rêve de bikini dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. À l'époque, ces deux jeunes gens sont simplement connus des concierges, des gérants des cafés et pour certains des forces de l'ordre. Le garçon a 19 ans, il s'appelle Roger Vadim. La jeune fille a 20 ans et on la surnomme Jujube. Mais aujourd'hui, vous la connaissez tous sous le nom de Juliette Gréco. Voilà 3 ans que la guerre est finie. La France a été libérée, l'Allemagne a capitulé, les prisonniers sont rentrés et le général de Gaulle s'est retiré. Mais depuis cette libération, Paris attend toujours le retour des festivités nocturnes. Alors, où descendent-ils ces jeunes gens sur la photo? Eh bien, au Tabou. Le journaliste décrit les lieux ainsi. La cave du Tabou, aux environs de 2h du matin, est une bouche de l'enfer. La taverne est si enfumée qu'on dirait qu'une locomotive vient de traverser et d'y laisser sa vapeur. Selon la légende, c'est ici que la nuit s'est réinventée. Au début de l'année 1947, le Tabou est un bistrot terne et silencieux. Quand on pousse la porte, on tombe sur les gérants, des Toulousains, et sur leurs clients, souvent les gens de l'imprimerie d'en face, qui ont leurs habitudes ici, dans ce troquet. Ouvert tôt, le Tabou ferme en même temps que le soleil. Et c'est bien la porte de ce café que Juliette Gréco et ses amis poussent un jour, par hasard, comme elle le raconte, devant la caméra du Jolan. Le Tabou était rue Dauphine. C'était un café, une espèce de bistrot comme ça. Et puis un jour, en hiver, j'avais mon manteau. j'entre et je mets mon manteau sur la rambarde. Puis au moment de partir, je cherche mon manteau, pas de manteau. Et je descends l'escalier. J'étais un petit peu dans le noir, je tâtonne, ça, il y avait un interrupteur. J'allume et je vois un boyau, une cave, dans laquelle il y avait des tables et des tabourets, et puis des masques nègres au mur, avec des petites ampoules dans les orbites, des bleus, des rouges, des jaunes. Je remonte et je dis, venez voir. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pendant des semaines, la petite bande négocie avec le gérant pour faire de la cave un club. Et le 11 avril 1947, le tabou ouvre ses portes, la nuit. À partir de cette date, vers 23h, si vous n'êtes pas au Bar Vert ou au L'Orienté, c'est sans doute ici, au 33 de la rue Dauphine, que la nuit vous emporte. Après le rideau, descendez directement dans les bas-fonds. Si vous êtes grand, attention, baissez la tête car le plafond est bas. Et ouvrez l'œil, l'escalier est tortueux. Il y a une seule boisson à la carte, le rhum coca, et un seul orchestre qui joue du jazz. Si vous aimez l'accordéon, passez votre chemin et poursuivez jusqu'à Bastille. Si vous préférez la musique douce, alors c'est vers les Champs-Élysées qu'il vous faut remonter. Car au tabou, les clarinettes sifflent, les trompettes hurlent et les tambours s'emballent. Sur la piste de danse, il faut jouer les coudes et suivre le rythme de ces musiques endiablées. Dans la presse, on surnomme ces noctambules les rats de cave, les troglodytes. Mais le plus souvent, c'est le sobriquet d'existentialistes qu'on leur attache. Une formule journalistique qui fait de cette génération des héritiers de la vedette du quartier de Saint-Germain-des-Prés, le philosophe Jean-Paul Sartre, qui en 1946 publiait « L'existentialisme est un humanisme ». Bien, mais ces jeunes gens qui dansent, sont-ils si attachés à l'œuvre de Sartre ? Pas vraiment, comme explique le batteur Moustache. Nous, on a été mariés avec l'existentialisme parce que l'existentialisme, c'était boire des coups et jouer de la musique. On n'avait pas de problème de philosophie, nous. On était là, tranquille. On n'avait pas de problème. On allait, on jouait du tambour, on s'amusait, on était payés, on aurait joué à l'œil. On parlait la philosophie existentialiste et nous, ça faisait deux. Mais on était autour, quoi. Certes, Juliette Gréco et certains de ses amis connaissent et respectent ce philosophe, tout comme ils respectent Camus, Cocteau ou Simone de Beauvoir. Mais enfin, les livres sur la table de chevet se nomment plutôt « J'irai cracher sur vos tombes et l'écume des jours ». D'autant plus que l'auteur, Boris Vian, fait partie de la bande. Il est un peu plus vieux que les autres, il a un peu plus d'argent, mais surtout, il joue merveilleusement bien de la trompette. C'est autour de lui et de son frère que le premier orchestre du tabou se forme et que les festivités font la renommée du lieu, comme en septembre 1947, où un journaliste de la radio tente la descente vers l'enfer. Après Tito Skipa, voici un contraste, puisque c'est maintenant Boris Vian, l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes », Boris Vian et son orchestre existentialiste du tabou qui s'installent sur la piste. Mais Boris Vian a non seulement des musiciens, mais toute une troupe de danseurs, toute une série de couples très existentialistes, de couples très tabous, de garçons et de filles. Les garçons sont en chemise à carreaux avec des bretelles, avec des supports chaussettes apparents sur des sockets multicolores. Les filles ont les cheveux hirsutes et ils dansent absolument comme des noirs de Harlem avec une frénésie, avec un entrain extraordinaire. Je ne sais pas exactement si c'est le boogie-woogie ou le bebop qu'ils interprètent, mais je vous laisse juger. En quelques semaines, ces ennemis germanopratines font basculer Paris vers des horizons que la ville pensait perdus. Leurs parents et grands-parents ont connu la belle époque, les soirées à Montparnasse, vers la Rotonde, ils furent peut-être même des azous. Eux, ils aiment le jazz, la poésie, ils aiment divaguer de longues heures sans but dans les rues de la capitale. À l'époque, Saint-Germain est un quartier populaire, les chambres sont abordables, comme les repas. Pour ces amuseurs, la journée s'organise ainsi. Elle commence généralement vers 15h. Ils se retrouvent aux fleurs pour un petit déjeuner qui se prolonge jusqu'au déjeuner. Ils errent ensuite dans les rues. Rue Bonaparte, rue Jacob, rue Saint-Benoît, sans rien faire, non. Ou à part discuter sur le dernier film, livre ou disque en vol. Puis vient l'heure de l'apéritif. Si c'est un jour heureux, ils trouvent quelqu'un pour payer la tournée. Sinon, eh bien c'est la manche. Ensuite, l'argent est partagé comme l'assiette. Et la nuit, c'est aussi cela, la philosophie nocturne de l'époque. Ce qui faisait l'essence même de ce qu'on appelait la vie germanopratine, c'était qu'on ne payait pas. Tout va se gâcher le jour où on a été forcé de payer. Il y avait des caves, il y en a eu nombreuses, et dans ces caves, on peut dire qu'il y avait une majorité de gens qui ne payaient pas de consommation. On ne payait nulle part, on vivait des uns des autres. Il y avait ceux qui avaient de l'argent, ceux qui n'en avaient pas, mais ce n'était pas un problème. Et donc j'allais dans un restaurant comme ça, puis on mangeait dans les assiettes des gens. Et ça nous permettait de dîner, en même temps ça faisait l'ambiance du bistrot. Mais le jour où la consommation est devenue obligatoire, le jour où le marchand de vin a pris les rênes en main, ça a été fini. C'est devenu, une étape obligatoire dans les circuits touristiques de Paris by Night. Quand les cafés et les caves ferment leurs portes, ces jeunes gens prennent la rue. Ils sont bavards, parfois braillards. Ces tapages nocturnes font les choux gras de quelques journaux, toujours prompts à accentuer le mythe de la déchéance d'une génération. À la radio également, avec ce journaliste qui interroge une concierge du quartier sur les nouvelles couleurs de la nuit. Dites-moi, madame, votre quartier a un peu changé d'allure, il est plus bruyant qu'avant. Plus bruyant qu'avant, forcément, oui. C'est à dire le soir, c'est le coup de 5h du matin. 4h du matin, là. Mais quoi, qu'est-ce qu'on entend, la musique ? On entend la musique, on entend les voitures, celles qui claquent leurs voitures, puis alors il y en a qui chantent, qui crient. Oui. Ça vous change votre quartier, ça parce que dans oui, le temps... Oui, mais quand c'était très calme. Il faut intervenir aussi. Mais oui, c'est très calme. Mais il paraît, dites-moi, qu'il y a des incidents, enfin, qu'il y a des fois des gens qui jettent des seaux d'eau, non ? Ah oui, hein, on leur jette des seaux d'eau. Les maisons d'en face. Et ça ne les décourage pas ? Ah, ça, sans doute que non. Moi, j'ai jamais monté en haut pour vrai, vous savez. Moi, je suis couché, les enfants étant couchés, c'est tout. Oui. Comme ça vous plaît, à moto, tout ça. Mais je dors après, on s'y habitue, qu'est-ce que vous voulez ? Ah, quand même. Bah, il faut bien, hein. Oui. C'est quand on est fatigué, il faut bien qu'on dort. Hein. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Seau d'eau, pot de chambre, détritus, tête de poisson et plus chur, beaucoup de ces jeunes rentrent souvent trempés et malodorants. Qu'importe. Et tant mieux d'ailleurs, parce que dès que la presse fait l'écho de ces incidents nocturnes, eh bien les jeunes s'y précipitent. Cette cave est donc l'étincelle que la légende retient. Mais la folie de ces nuits s'étend peu à peu dans d'autres caves de jazz et dans d'autres lieux de festivité, sur les quais, vers Saint-Michel, l'île Saint-Louis et même sur la rive droite. Et c'est ainsi que dans tout Paris, dans de petites salles, des dizaines de cabarets closes. Sans les artisans de festivité, la nuit n'est qu'une obscurité silencieuse. Attention, faites entrer les artistes. Ces cabarets ont pour nom le Colibé en deux mots. L'Écluse, le Lapin Agile, l'Arlequin, l'Échelle de Jacob. Ils sont nés dans d'anciens bistrots, garages, boucheries ou merceries. Au lendemain de la guerre, la rive gauche et le quartier de Saint-Germain sont remplis de ces locaux désertés. C'est donc dans ces lieux que des artistes et des noctambules décident d'ouvrir des cabarets pour jouer leurs propres spectacles et s'accompagner d'autres artistes. La décoration est souvent atypique, les scènes souvent rikiki, mais l'art et l'énergie qui s'y déploient sont impressionnants. On y chante, on y joue, on y rit. Ailleurs en France, en province, à part le cinéma à la TSF, la nuit est noire, sourde. À Paris, en revanche, dès que le soleil se couche, une autre ville surgit. Les portes de ces établissements ouvrent en général vers 23h. Selon l'endroit, vous pouvez y manger. Si vous arrivez à l'heure, une place sur une banquette sera disponible, sinon il restera sans doute un tabouret. En attendant que les artistes effectuent leur numéro, un pianiste joue une musique d'ambiance. Les numéros ne dépassent pas 20 minutes et la tête d'affiche arrive souvent à la fin. Vers 2h du matin, le rideau tombe, la musique d'ambiance reprend, puis le public s'en va. L'un des premiers et des plus fameux de ces nouveaux cabarets s'appelle la Rose Rouge, rue de Rennes. Les débuts sont difficiles. Léo Ferré et le mime Marceau qui ouvrent les hostilités n'ont pas encore trouvé leur public. Les recettes viennent grâce à un quatuor original, saisissant et novateur, les frères Jacques. Quatre drôles de bonhommes en collant, aux phrases légers, rythmées et poétiques sur une drôle de chorégraphie. Ce sont eux, les frères Jacques, qui font connaître l'établissement au tout Paris. L'allant dans l'azur sans nuage, telle est cette étrange oiseau noir, son œil a des reflets sauvages. Dieu qu'a-t-il pu apercevoir? Il décrit des cercles funestes et lentement descend comme une malédiction céleste sur les oisillons innocents. Tremplin au purgatoire, ces cabarets qui ouvrent un peu partout sont le creuset d'une bande, d'une génération d'artistes, artisans noctambules. Ils ont entre 20 et 30 ans. Quand certains partent, d'autres arrivent. Ils sont musiciens, chansonniers, comédiens. Ils courent des bords de la Seine à Pigalle, de Saint-Germain à Montmartre pour multiplier les cachets et apprendre le métier. Parmi eux, il y a Raymond Devos qui fait ses armes chez Patachou, le Cheval d'Or ou le Niox. Le cabaret, c'est une école extraordinaire, très dure. Où l'orgueil en prend pour son grade, parce que vous savez que quand au cabaret les gens boivent, mangent, ils font du bruit, puis tout d'un coup il faut dire mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, je vais vous dire des choses. Il faut déjà que ces choses soient plus ou moins intéressantes, etc. Et en plus quand on a l'impression de les amuser, de les faire rire, c'est un jeu très dangereux. Mais c'est le grand jeu de rentrer sur scène et de dire, de provoquer le phénomène du spectacle à l'état pur. Enfin, c'est, on n'avait pas de décor, enfin très peu, derrière on n'avait rien, quoi. Les cabarets sont multiples. Les gérants ont leur style, leurs favoris. Si vous faites recaler dans un établissement, le succès viendra peut-être dans un autre. D'ailleurs, certains gérants s'en mordront les doigts quand ils en prendront, par exemple, qu'ils ont raté Guy Béard ou Aznavour. Parmi ces premiers artistes du cabaret, on retrouve certaines personnes de la bande du tabou, comme Marc Dolnitz, qui reprend la direction du Bœuf sur le Toit. Et c'est lui qui pousse Juliette Gréco à imaginer un numéro pour son spectacle. Un jour, Marc Dolnitz va me trouver. Il était très agité, très affairé, et il me dit, écoute ma cocotte, ça c'est sa façon de parler. Écoute ma cocotte, écoute coco, vraiment, c'est très très amusant, on m'offre de rouvrir le Bœuf sur le Toit. Ah mais oui, écoute, je sais tout ce que tu vas me dire, je sais qu'on ne rallume pas un endroit éteint, je sais que depuis l'époque de Cocteau et de Radiguet c'est terminé, mais enfin, pourquoi ne pas essayer? On va monter un programme, alors pourquoi pas toi, et pourquoi pas moi? Je dois dire que tant de frivolité, tant d'inconscience et tant d'enthousiasme me laissèrent bien étonnée. 8 jours. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en 8 jours? Eh bien, en 8 jours, Juliette Gréco a le temps de frapper à la porte de Jean-Paul Sartre pour lui demander conseil. L'écrivain lui prête des livres. La jeune fille sélectionne des poèmes, dont celui de Queneau. « Vous aimez les feuilles mortes ?» lui dit philosophe. « Eh bien, allez donc demander une musique à Joseph Cosma, le compositeur. » Et c'est ainsi que Juliette Gréco reçoit un beau poème de Queneau et de musique de Cosma. « Si tu t'imagines » est le premier succès qui en appelle d'autres. En 1952, elle se produit aux 3 Baudets où l'on peut également écouter Henri Salvador, Mouloudji, un artiste qu'un journaliste du quotidien Le Monde décrit comme suit. Tirant après sa guitare lors de son entrée malhabile en scène comme un apprenti bûcheron, sa cognée à l'oreille d'un premier bois, hirsute de poils, flageolant du jarret et pétri de talent, gargorille. Paris vient de découvrir Brassens. Son anarchie et sa guitare font les beaux jours des 3 Baudets. Partout, des artistes émergent, des styles se forgent, des enseignes se font un nom. En quelques années, les cabarets trustent les nuits parisiennes et repoussent un peu plus le jazz dans ses caves. Hasard ou signe de mouvement, Boris Vian décide lui aussi de chanter sur scène. En 1955, il enregistre son premier album avec notamment cette chanson « La complainte du progrès » qui annonce la vague qui les emportera bientôt tous, la consommation. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous ? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. En 1955, pour voir Boris Vian chanter, il faut aller à la Fontaine des Quatre Saisons. C'est ce que fait un jeune homme de 27 ans, cheveux courts, oreilles décollées, le regard un peu tremblant. Son nom, Lucien Gainsbourg. Le soir, il joue du piano comme le faisait son père dans les cafés et les cabarets. À l'époque, il est celui qui accompagne, celui qu'on ne regarde pas vraiment. Mais ce soir-là, en voyant Vian, Gainsbourg décide de changer de vie. Quelques années plus tard, il s'en souvient avec ces mots. Vian a commencé à balancer ses chansons devant les gens sidérés. Ce fut pour moi un catalyseur. Il chantait la Java martienne, les airs ménagers, Je bois, le déserteur. Et les gens hurlaient, ils en redemandaient. Ce soir-là, j'en ai pris plein la gueule. C'est en l'entendant que je me suis dit, mais moi aussi, je peux faire quelque chose dans cet art mineur. Dès 1957, Gainsbourg commence au Miller l'arsouille. Puis il débarque en 1958 aux Trois Baudets. Sur scène, il commence à faire son trou, son petit trou, qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Au même moment, à l'Écluse, une longue dame brune commence à intéresser les médias et le public, dont un jeune acteur qui fait la tournée des cabarets, sur scène et dans le public, un certain Jean Rochefort, comme il le rappelle dans le film d'Yves Jolland. Noiret et moi, nous nous connaissions à peine et nous nous retrouvions deux fois par semaine, à peu près le soir à l'Écluse, qui était près du boulevard Saint-Michel, pour voir chanter Barbara. J'avais un petit béguin, moi, en plus. Vraiment, ça me plaisait beaucoup. Mais on était déjà en admiration, Noiret et moi, devant cette chanteuse à la présence étonnante, quoi. La belle amour avec un or, grand comme Paris, toi t'en as pas. Tu m'en promets, et moi j'attends dans tes quinquets de voir s'allumer le grand reflet de la belle amour dont je rêvais et de la belle amour dont tu causais. Quand t'avais pas ce que tu voulais. À côté de Notre-Dame, quand les cloches sonnent minuit, la grande dame entre dans la lumière et s'installe devant son piano pour le bonheur des 60 convives du soir. Dans la revue Art, on la décrit ainsi. Ses premiers gestes, brusques, nerveux, l'acuité de son regard qui illumine un visage qu'on pourrait dire stylisé, trahissent un tempérament aussi mystérieux qu'autoritaire. Dès qu'elle se met au piano et qu'elle chante, Barbara révèle un métier accompli. Dans l'Express, on écrit « Une nuit à l'Écluse n'est pas une nuit perdue ». Sur les 2 mètres carrés de scène, encombrés d'un piano, les surprises sont bonnes. Nuit qui fait découvrir une étrange personne au masque de faune, yeux fendus, nez busqué, palpitant, qu'il ne faudra jamais retoucher. N'oubliez pas, Barbara. Pendant 6 années, Barbara chante chaque soir, assiste aux auditions et puis attend son tour de chant. Selon ses souvenirs, c'est ici que tout commence pour elle. Et je dois dire que j'ai passé là 6 années merveilleuses. Enfin, pour moi, l'Écluse, c'est une chose qui demeure, que j'ai jamais quittée de cœur en tout cas. Que chantiez-vous en ce temps-là ? Je chantais les premières chansons de Brassens, je chantais les premières chansons de Jacques Brel, je chantais aussi les chansons de Léo Ferré, je chantais les chansons de Christiane Verger et Gaston Ricot. Je chantais les chansons de... Je me souviens d'une chanson qui s'appelait Le Couteau d'un homme qui s'appelait Michel Arnaud. Enfin, moi, c'était vraiment 6 années miraculeuses. Je veux dire que c'est l'Écluse qui m'a conduite partout où je vais maintenant. En 1959, Barbara est au zénith. En plus du succès à l'Écluse, elle chante désormais dans une salle qui prend de l'ampleur chaque jour. D'ailleurs, pour les artistes, elle a changé de nom à plusieurs reprises. Cette salle s'appelant tour à tour les 36 chandelles, music hall, parade, cabaret d'un soir. Cette salle n'a ni devanture, ni place limitée. Les numéros se succèdent et le programme change chaque semaine. Cet endroit trône désormais dans vos salons. On l'appelle la télévision. En 1954, il y avait à peine 125 000 postes sur toute la France. En 1958, ils sont déjà plus d'1 million. En moins d'une décennie, la télévision bouleverse les soirées et les loisirs des Français. Dans le même temps, une nouvelle radio, périphérique, ciblée sur les jeunes, débarque. Lancée en 1955, rue François 1er, elle accompagne le surgissement d'une nouvelle génération qu'on appelle « Nouvelle Vague ». En 1959, alors que Truffaut tourne les 400 coups et que Godard prépare à bout de souffle, Franck Thénault et Daniel Filippacchi lancent « Salut les copains ». La même année, l'une des icônes des nuits germanopratines disparaît. Nous avons appris il y a quelques minutes seulement la mort subite de Boris Vian. Boris Vian aurait été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il regardait son film au Marbeuf, son film « J'irai cracher sur vos tombes ». Francis Mercury, vous êtes rendu au Marbeuf, ça tend oui, quelque chose. Boris Vian est mort à 11h, vers 11h. Il assistait à la projection de ce film, c'était une projection de travail. Il s'agissait de faire un disque avec la musique de ce film et il y avait quelques amis qui étaient présents. La lumière s'est allumée à un moment donné, le voisin de Boris Vian a donné l'alerte. Boris Vian s'était évanoui et il est mort dans les quelques minutes qui ont suivi. C'était lors d'une projection de « J'irai cracher sur vos tombes ». Cette année-là, 1959, c'est la guerre d'Algérie qui fait la une, comme le général désormais de retour. L'aube approche, pour beaucoup, les fêtes sont terminées, en tout cas le temps des fêtes est terminé. Quelques mois plus tard, la Rose Rouge, qui fit émerger l'esprit rive gauche, est devenue une boîte de nuit, le Kersamba. Peu à peu, les cabarets de cette rive retrouvent la solitude. Pendant quelques mois encore, l'ancienne génération résiste. Un soir, à l'Alhambra, en première partie de Raymond Devos, le public peut écouter les premiers titres de Johnny Hallyday. L'accueil est mouvementé. On siffle à tout va devant les notes et le jeu de jambes du jeune homme. Claude Sarraute, présent un soir, dit que cette première partie lui a fait penser à une visite aux chimpanzés du zoo de Vincennes. Sarraute et les autres peuvent se plaindre, ils ne pourront rien faire pour empêcher ce nouvel élan. Dès l'année suivante, Johnny Hallyday devient l'idole des jeunes, avec Souvenir, Souvenir. Voilà, la chanson dite de la rive gauche était intelligente, authentique, exigeante. Le yéyé, c'est tout le contraire. Des mélodies simplistes, des paroles anodines, des produits marketing. L'important, en effet, ce sont les ventes. Oui, rien d'autre. Pour les chanteurs, la route change de sens. Désormais, on enregistre d'abord un disque, on l'envoie aux radios, et si ça marche, alors la grande scène s'ouvre à vous. Malheur aux perdants. À l'école de la rive gauche, certains cabarets résistent pourtant à cette vague. Les plus grands continuent à lier poésie et mélodie, tandis que d'autres retournent leur veste et plongent dans les bras de ces jeunes minots. Parmi eux, Gainsbourg. Après avoir écrit la javanaise pour Gréco ou le cirque pour Catherine Sauvage, il se laisse convaincre et prend la plume pour Brigitte Bardot, pour France Gall. Alors, l'esprit de la rive gauche est-il mort ? En 1964, en tout cas, Gainsbourg le pense. Et vous, Serge Gainsbourg, croyez-vous que la chanson en France actuellement subisse une évolution ? Elle a subi il y a une paix déjà. Avec la l'agonie de la rive gauche, Du temps de la nouvelle vague, quoi. Nouvelle vague dont j'étais. Maintenant, c'est la vague nouvelle. Qu'est-ce que vous appelez la vague nouvelle? Ben, c'est la chanson américaine. Et vous croyez au yéyé? Et comment? Quelle différence peut-il y avoir entre une chanson yéyé et puis une chanson basée sur un rythme de jazz? Que l'une se vend et l'autre non. Est-ce que vous croyez qu'on ne reviendra pas à la chanson française? Non, on ne revient jamais à rien. Est-ce que fait Brassens, par exemple, alors? Est-ce que fait Brassens, c'est entré dans les normes. On cite toujours Brassens pour avoir bonne conscience. Tous les petits jeunes disent oui, mais, j'aime bien Brassens. Et avec ça, ils croient avoir tout dit. Et les petits jeunes qui aiment de préférence Johnny Hallyday? Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, ça les amuse. Désormais, le chemin vers la fête passe par les discothèques. Chez Castel, les Quatre Vents, la Tour de Nesle, le Club Saint-Hilaire, le Médicis. Dans ces salles, on danse le twist et on écoute jusqu'à 5 heures du matin des mélanges de pop, de soul, de funky, des chansons latines et anglaises, et puis des tubes des dernières semaines. Il faudra attendre 1968 pour que Saint-Germain fasse de nouveau la une, mais c'est une autre histoire des nuits parisiennes, tout aussi bruyantes, cabossées, mouvementées. En attendant, bienvenue au yéyé. Ni les tam-tams de yéyéyé, ni les gris-gris que tu portais, dadou run-run que tu écoutais, au bal doum-doum où tu dansais, non rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yé-yé, sous les tam-tams de yé-yé-yé. Je fais du ram, dam, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. J'ai un coupe, coupe, à cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les yé, yé. Sous les tam, tam de yé, yé, yé. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou, fou, fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les yé, yé. Ni les tam, tam du yé, yé, yé. Que tu écoutais, au bal doum doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les yé yé, sous les tam tam de yé yé yé. Je fais du ram dam, je me connais. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la fête, la musique, la culture de la rive gauche à Paris dans les années 50, déjà au début, à la fin des années 40, années 50, et puis au début des années 60. On va en parler avec notre invité Henri Gougaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes un homme complet au parcours impressionnant, puisque je vois conteur, écrivain, poète, chanteur. Alors vous dites homme qui chante, on va dire chanteur, mais aussi c'est un homme de radio. Voilà, beaucoup de choses. Déjà, qu'est-ce que vous ressentez vous quand vous entendez les archives que vous avez pu entendre, qui vous ont remis dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais que vous avez vécu, vous? Oui, c'est émouvant. Moi, ça m'émeut. Vous avez fait allusion au DVD d'Yves Jolin sur Il est minuit, Paris s'éveille. Magnifique. Il est magnifique. Édité par Lina, c'est notre partenaire, donc je le dis au passage. Oui, mais voilà, il a fait revivre tout ça. Il se trouve que j'ai collaboré à ce film, mais ça a été une plongée dans ma jeunesse, alors que pour moi, c'était une autre vie, quoi. Mmh. Hein, j'étais ailleurs. Eh bien, j'étais pas si ailleurs que ça. Parce que ça a quelque chose, cette période-là. Faut dire, les années des 20 ans, c'est... Oui, toujours. C'est peut-être... Il y a toujours ce côté-là. Fondateur. Oui. Mais il y a quelque chose dans quoi je me suis ancré au cours de ces années-là, qui était une certaine... Comment dire, je ne veux pas paraître grandiloquent, mais une certaine foi en la poésie. Et aussi peut-être l'illustration d'une insouciance retrouvée aussi au lendemain de la guerre, ça compte ça? Ah ben oui, oui. Enfin, moi, je n'ai pas vécu l'immédiate après-guerre. Non, parce que vous aviez 20 ans dans les années dont on parle, là. Vous avez 20 ans, donc la guerre, non, vous étiez... Non, l'immédiate après-guerre, attendez, j'ai pas 20 ans, quand même pas. Non, vous avez 20 ans. Je suis pas si vieux. Non, vous avez 20 ans, je disais, pendant l'époque dont on parle, là, voilà, les années 50, c'est de ça. De Saint-Michel, des cabarets, des cabarets rive gauche. Saint-Germain-des-Prés, non, j'ai pas connu. Enfin, sauf à travers Gréco, pour qui j'ai écrit beaucoup de chansons, qui m'a raconté beaucoup de choses. Mais c'était, il y a eu quand même l'immédiate après-guerre, ouais, qui a été une sorte d'explosion. Enfin, la parole libérée, enfin, tout était libéré, quoi. Et il fallait que tout sorte, et tout est sorti, y compris à l'époque, on vivait ça comme des excès, le bebop, le boogie-boogie, tout ça. Maintenant, on en est bien revenu, c'est les danses grand-papa, ça, maintenant. Mais à l'époque, c'était pas vécu comme ça. C'était, voilà, il y avait une explosion de liberté, une insouciance incroyable. On redécouvrait le monde. Voilà. Et puis, il y a eu quelque chose vers le milieu des années 50, qui a tout changé, c'est qu'on est sorti de l'après-guerre pour rentrer dans la guerre d'Algérie. Ouais. Avec le contingent mobilisé, tout ça, quand même. Et là, on est redevenu un peu plus sérieux, un peu plus inquiet, ouais, un peu plus pris par... Enfin, le monde cessait d'être fréquentable, heureux, insouciant, les soucis revenaient. Alors, vous... Et on a inventé la chanson engagée à cette époque. D'accord, on va y revenir. Je voudrais juste revenir à vous. Donc, vous aviez, sauf erreur de ma part, 20 ans en 1957, c'est ça? Est-ce que vous aviez 20 ans? Ouais. D'accord. Et un an, alors, vous venez de Carcassonne, oui. Ok. Un an plus tard, vous décidez de monter à Paris, comme on disait. Monter à Paris. Oui. Ok, pourquoi? C'est quoi vos dessins? C'est quoi vos projets? Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous avez, si j'ose dire, non pas à vendre, hein, mais à présenter? Vous, à ce moment-là. À cette époque-là, je suis étudiant à Toulouse, je fais études de lettres. Oui. J'habite le 6e étage de la cité universitaire et je suis anarchiste et je fréquente les anarchistes espagnols. D'accord. Voilà. Et par un ami, je suis abonné au Monde Libertaire, le journal des anarchistes. Et par un ami, j'écris des articles pour ce journal. C'est Le Monde Libertaire organise à cette époque tous les ans le gala du Monde Libertaire à la salle de la Mutualité. Comme j'écris des chansons, je suis étudiant mais j'écris des chansons, je me pointe à Paris, les copains du Monde Libertaire me disent « mais vas-y, chante !» Je débute sur la scène de la Mutualité alors que je suis encore étudiant à Toulouse. Ouais. Il se trouve que là, il y a Léo Noël, le patron de l'Écluse à l'époque. Et puis il y a Jean-Yann, il y a Brassens, enfin ils sont tous là, quoi. Et voilà. Et Suzy Chevet, qui est l'organisatrice de la soirée, elle dit à Léo Noël, elle lui dit « tu devrais écouter, le petit, il est très bien et tout ». Et Léo me dit « ben viens ce soir, après le spectacle, on t'auditionnera ». On est en 1957. Je vais à l'Écluse le soir. Après le spectacle, reste les copains, c'est-à-dire Rochefort, Noiret, enfin les copains, moi je les connaissais pas à l'époque, enfin des comédiens comme ça, des qui fréquentaient les lieux. Je chante 3-4 chansons, sympa, il me, bon, il se sépare avec moi. Et puis je dis à Léo, je dis, bon, dites-moi si ça vaut le coup que je continue. Ouais. Et Léo Noël me dit, réfléchis un petit moment, il me dit, qu'est-ce que tu fais à la vie? Je dis, je suis étudiant. Étudiant en lettres, pour être, bon, prof de français, quoi. Mmh. Et il reste un moment pensif, il me dit, sois professeur. Bon, alors, dans ces cas-là, on baisse pas les bras, la preuve, hein, on n'est pas baissé les non, bras. Non, dans ces cas-là, je suis redescendu à Toulouse, j'ai cessé d'écrire des chansons pendant 3 ou 4 mois, puis j'ai décidé que Léo Noël n'entendait rien, rien. Et l'année d'après, je repars à Paris, voilà, avec l'intention d'y rester, quoi. Et de chanter dans les cabarets de la rive gauche, parce que pour moi, les cabarets de la rive gauche, c'était le lieu où je voulais être. C'était le lieu de la poésie en action. C'était le lieu de la liberté. C'était ce que je voulais être. Ouais. Moi, quand, à 16 ans, quand j'ai, adolescent, quand mon père m'a demandé ce que je voulais faire dans ma vie, j'ai dit poète. Alors, est-ce que vous aviez, pardon de vous couper, est-ce que vous aviez, comme beaucoup d'artistes qui, malgré ce qu'on peut leur dire, hein, persiste, est-ce que vous aviez un modèle? Brassens, bien sûr. Moi, j'ai découvert Brassens au lycée, à Carcassonne. Mm. Et ensuite, vous l'avez croisé ou pas? Oh, non seulement je l'ai croisé, mais j'ai fait des tournées avec lui. Je l'ai fréquenté longtemps. Il avait plusieurs enfants, enfants spirituels, comme ça, Brassens. Mm. Il y avait Joël Favreau, il y avait Maxime. Le forestier, puis moi j'allais déjeuner chez lui de temps en temps, au moins une ou deux fois par mois. Parlez-moi de lui un peu, parce qu'il nous fascine tellement. Comme c'est, quel genre d'homme il était avec vous? Paternel, j'ai pas dit paternaliste, hein? Paternel? Non, pas vraiment. Alors, non, non. Il était comme, j'ai l'impression qu'on ne sait plus l'être aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était dans le privé comme il était dans le public. C'était un homme d'un total naturel, d'une totale générosité. On va l'écouter, hein, on va écouter une archive où on entend celui qui l'a découvert, Jacques Canetti, c'est un pape Jacques Canetti, ben oui. Patron des Trois Baudets, et puis on va entendre Georges Brassens juste après. Mais Jacques Canetti, maintenant ça nous paraît évident, l'auteur-compositeur, mais lorsque vous avez commencé dans les années 50, c'était pas évident du tout, c'est une notion que vous avez découverte. C'était pas évident parce qu'au moment où j'ai commencé cette espèce de recherche des auteurs-compositeurs, on recherchait surtout des gens qui avaient de belles voix. On voulait des belles voix, c'était l'époque de Luis Mariano et autres. Je considère que la voix est donc ne vient qu'en troisième position. La chose la plus importante, c'est quand même la musique. Et la musique vous permet de mieux aimer le texte. Et si la musique est bonne, et si le texte est très bon, vous avez subitement cette chose ultra rare, c'est-à-dire la chanson forte, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Gorille, il y a l'eau vive, il y a Quand on a que l'amour, il y a le petit bonheur de Leclerc, il y a Paris Canet de Ferré, mais regardez bien, je vous cite là, comme ça, en vitesse des chansons, parce que ce sont les chansons évidentes, mais elles ne sont pas tellement évidentes quand vous allez à la recherche. Bon, Georges Brassens, c'est la véritable apologie de Jacques Canetti, il n'a pas un seul défaut. Oh, il a sûrement des défauts, mais comme tout le monde d'ailleurs, qui n'en a pas. Mais peut-être que sa qualité éminente, là précisément, la qualité qui consiste à lui faire rechercher le jamais vu, le jamais entendu, si à mes débuts, quand le public venait se plaindre de moi, quand les journalistes écrivaient des articles, pas tous d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui faisaient des articles dithyrambiques, mais quand les journalistes se plaignaient en lui disant qu'ils se trompaient, s'ils m'avaient abandonné, là, s'ils m'avaient dit « non, ça ne marche pas, vous ». Vous partez, quoi. Peut-être que je ne serai pas là en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez approché, Canetti? Comment vous en parliez? Canetti, c'était un peu le pape du milieu, là, de ce milieu-là. Oui, mais enfin, il se trouve que non, ça, il ne s'est rien passé avec lui. Je ne l'ai jamais rencontré. D'accord. Bon, Brassens, c'était... oui, j'ai dit un homme d'une totale générosité. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'était quand il passait à Bobino. Il passait à Bobino une fois par an. Et il avait toujours une... Il n'a jamais fait la rive gauche, Brassens, mais ses premières parties à Bobino, c'était que des gens de la rive gauche. C'est comme ça que je suis passé dans un de ses spectacles pour la première fois. Et dans le couloir des coulisses, je le vois en train de parler avec un type que je ne connaissais pas, qui manifestement le tapait, lui a emprunté de l'argent. Et Brassens dit, bon, il dit à Gibraltar, son homme à tout faire, il dit, fais-lui un chèque, tout ça, bon. Et l'autre qui dit, mais tu sais, je te le rendrai, je vais te faire une reconnaissance de dette, il dit. Et Brassens lui dit, non, tu vas pas me faire une reconnaissance de dette. Et l'autre dit, mais oui, mais si je meurs, il faut bien que tu sois remboursé. Et Brassens lui dit, espèce de con, si tu crois que si tu meurs, c'est le fric que je regretterai. Ouais. Très beau. Bah oui. C'était Brassens. Bah oui. Et en même temps, je crois profondément désespéré. Par quoi ? Qu'est-ce qu'il désespérait ? Bah, je vais vous dire comment j'ai cessé d'aller le voir. Je crois ne l'avoir jamais raconté ça. Je militais à l'époque dans l'écologie, à l'époque où le mot même n'existait pas. Enfin, voilà. Et donc il y avait la construction de la première centrale nucléaire, je me souviens plus. Et donc on s'était mobilisé pour empêcher cette construction de centrale nucléaire et on faisait circuler une pétition. Mmh. Et les copains m'avaient dit, tu connais Brassens, va lui faire signer la pétition. Et je l'ai amené à Brassens, je lui ai dit de signer la pétition. Il me dit non, je signe pas. Je lui explique. Oh, voilà, je m'étonne d'abord, mais puis on discute un grand moment, et puis il me dit cette phrase qui m'a glacé. Il me dit, pour ce qu'elle vaut, l'humanité, je me demande bien pourquoi on veut la sauver. Putain, je me suis dit, ça, c'est pas possible, quoi. Trop noir pour vous ? Ça devenait trop noir comme pensée ? Oui. On va parler d'une autre personne, la transition avec le noir, une dame en noir, évidemment une grande dame, Barbara. Ouais. Hein, qui est, alors je sais pas, quand je vous dis Barbara, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous me répondez? C'est-à-dire que mon point d'ancrage a été, pendant des années, au moins aussi longtemps que Barbara, a été l'Écluse. J'aimais passer à l'Écluse. Vous savez, il y avait des bandes comme ça. Il y avait la bande de l'Écluse. Et vous étiez bande de l'Écluse, comme Barbara. Bande de l'Écluse, c'était Pierre Richard, Victor Lanoux, Popek, Barbara, moi, Riss et Barrier. Les gens qui passaient habituellement, qui se trouvaient bien à l'Écluse. Donc, évidemment, la longue dame brune, évidemment, elle était fascinante. Elle était fascinante sur scène. Évidemment, Rochefort était amoureux d'elle. Oui, il le dit, oui. C'est vrai que, elle nous laissait tous pantois comme ça. Mais en dehors de la scène, qu'est-ce qu'elle était chiante. Ah bon ? Dites-moi. Oui. Non, elle passait. Alors, l'Écluse, il y avait une... un espace qui devait faire 2 mètres sur 2, quoi. Hein? C'était des toutes petites coulisses. Et elle arrivait 2 heures avant tout le monde. Elle se mettait devant le miroir, morceau de miroir cassé qui était accroché au mur. Et elle passait son temps à se décoiffer en disant « Qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis moche ». À force, on se disait « Ça va, quoi ». Oh, c'est peut-être de l'exigence, sait-on jamais. Non, mais mais... Une grande admiration pour l'artiste qu'elle était quand même. C'est agréable de parler de Barbara, c'est tout aussi agréable, voire plus, bien évidemment, de l'écouter. On va l'écouter dans La chanson d'Hector. Sur des paroles et une musique de Georges Brassens, La femme d'Hector. Un autre tour de Babel, là qu'elle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de vos amis. Laquelle est votre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de vous, dans le guignon toujours présente, quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Quand on vous prend la main sac, répondit dans un sac, et qu'on vous envoie planter des choux à la santé. Quelle est celle qui, prenant modèle sur les vertus des chiens fidèles, reste à l'arrêt devant la porte en attendant qu'on vous en sorte? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Hein? Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Et quand l'un d'entre vous meurt, qu'on vous mette en demeure, de débarrasser l'hôtel de ses restes mortels. Quelle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix les funérailles gigantesques, pas nationales, non mais presque. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, la jolie temps d'aimer, que sans écho dans les cours, vous hurlez à l'amour. Quelle est celle qui vous plaint beaucoup? Quelle est celle qui vous saute au cou, qui vous dispense sa tendresse, toutes ses économies de caresses? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Madame. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, c'est la femme d'Hector. Ne jetez pas les morceaux de vos cœurs aux pourceaux. Perdez pas votre latin au profit des pantins. Chantez pas la langue des dieux pour les balours, les fesses Mathieu, les paletoquets, ni les bobèches, les foutriques, ni les pindèches, ni pour la femme de Bertrand, pour la femme de Gontran, pour la femme de Pamphile, ni pour la femme de Firmin, pour la femme de Germain, ni celle de Benjamin, ni pour la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins pour la femme de Nestor, mais pour la femme d'Hector. Barbara qui s'éclate bien sur les paroles de Brassens, avec toujours parmi le charme de Brassens son goût pour les mots désuets. Les fesses Mathieu par exemple, c'est formidable. Oui, il adorait reprendre un langage qui était déjà pas désuet, mais avec beaucoup de... Si on peut dire non, avec beaucoup de charme. Le charme des choses un petit peu passées. Le goût des mots. Goût des mots. Je voudrais juste qu'on parle quelques secondes des frères Jacques, parce que les frères Jacques, quand on les redécouvre, on s'aperçoit que c'était totalement original. Enfin, c'était formidable. Alors, complètement, oui. Ils étaient très surprenants. Enfin, c'était un plus, c'était d'une... on dirait aujourd'hui d'un professionnalisme, c'est-à-dire réglé comme du papier à musique. Il y avait pas au début des frères Jacques au cabaret, il y avait Rochefort avec eux. Je me demande s'il a pas fait un temps le cinquième. Il s'est mis en collant aussi. Non, ils avaient pas de collant à cette époque. Non, mais bon, les frères Jacques, ils chantaient de belles chansons d'abord. Ils chantaient les chansons de Prévert, ils chantaient entre autres. Que nous aussi. Et puis en 63, moi j'écris une chanson qui s'appelait Béton armé, qui était probablement la première chanson écolo qu'ils ont chantée. Encore. Ils l'ont chantée. Vous avez écrit pour eux. Vous me disiez tout à l'heure, pendant l'émission, pendant le récit, que les cabarets de la rive gauche, alors c'était de la musique, mais c'était aussi beaucoup de visuel. Oui. Dites-moi ça. Oui. De parleurs aussi. Ouais. D'humoristes aussi. La première fois que Popek vient auditionner à l'Écluse, j'étais là, on était tous morts de rire quand il a été engagé tout de suite. C'était Charles Denner, vous vous souvenez, Charles Denner. Bien sûr, l'homme qui aimait les femmes, notamment. Qui disait, il faut que tu l'écoutes. Ouais. Ah bon, puis bon, je pense à lui, je pense aux marionnettistes. Il y avait beaucoup de marionnettistes qui passaient dans les cabarets et qui faisaient des numéros très poétiques avec des riens, avec leurs mains. Les mains jolies, par exemple, c'était des, ils étaient deux avec des mains gantées de blanc et des bras noirs et ils jouaient des petites scènes juste en agitant les mains devant les gens. C'était extrêmement poétique. On voyait ça nulle part. Comment vous avez vécu l'arrivée des yéyés? Est-ce que vous avez dit oulala, on change de décor, malheur à nous, tant mieux pour eux? Enfin, je ne sais pas comment on aborde ça. Ben, on avait une sorte de débat. C'était pas un débat, mais enfin on en parlait avec Ferrat, avec Fanon. Je sais pas, personne se souvient de Maurice Fanon. C'était un grand auteur de chansons. Et vous en parlez, vous étiez inquiet ou pas? Pas vraiment. On se disait, c'est pas possible, ça va pas durer. On s'est dit parfois, ça n'a pas duré de choses qui durent, parfois le provisoire. Oui, mais bon, on n'avait pas pris la mesure du marketing, de l'importance, de la commercialisation d'un art. Bien sûr. C'était un art populaire, la chanson, et on en a fait un produit de consommation. Rigaud, je vous remercie. Je voudrais juste citer un livre que vous avez écrit, un récit. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais enfin, Kalawaya. Churla. Kalawaya. Churla, chamane bolivienne. C'est un livre d'entretien avec une chamane bolivienne, oui. Très bien. Merci infiniment, Rigougo. Ça vous merci a ému, vous. Ça vous a ému d'entendre ces archives, et bien nous qui l'avons vécu oui, ça. Bien sûr. Je voulais simplement vous dire aussi que ça nous émeut aussi, voyez. Mais on n'est pas obligé de l'avoir vécu dire, pour être. À la réécoute, ouais. C'est quand même bien. Merci. C'est l'heure, on y va. Merci. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, la nuit parisienne des années 50, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons une autre culture musicale, une autre façon de faire la fête. Woodstock, voilà, Vincent Josse, dans quelques secondes, vous avez remarqué, on est à la bourre. On est pressé, pardon. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Une soprano, grande soprano sud-africaine, Pretty Yende, est venue nous rejoindre. Parfait, à tout à l'heure. Merci Vincent.